Alors pourquoi s'enfuir pour apaiser mon âme chargée d'un poids plus lourd encore. Rien qui ne sembla. La voix qui manque à ça.